Nique ta vieille sous croix que le crime paie. Nique ta vieille sous croix que le crime paie. Nique ta vieille sous croix que le crime paie. Ça vient pas de LA, mais de Barbès tu pédais. Les choses sont corses, ça pète comme en Corse. Les balles traversent, brisent le pare-brise. Les belles gosses se rebellent. Fais gaffe à ton froc, à ton sauce. Même si c'est plus gentil, le plus cool de tes potes. Ça ricane, crapote. Ce fils de pute a décidé de courter ta vie. Faut que tu butes. Ta date de mort est ancrée, gravée sur ton dos. Dans nos rues, on passe de l'honneur à l'horreur poteau. C'est chaud, 11-43, prends du poids sur soi. Tu te défends ou tu te fais descendre. Si chacun pour soi et Dieu pour tous. Rendez-vous en enfer, les frères. Les châtiments des supplices de la tombe. On oublie la prière. Les choses se corsent, boum. Ça pète comme en Corse. Les balles traversent, brisent les pare-brises. Les belles gosses se rebellent. Fais gaffe à ton froc, à ton sauce. Même si c'est plus gentil, le plus cool de tes potes. Les choses se corsent. Coupe, cross, boum, boum. Ça pète comme en Corse. Fais gaffe à ton froc, à ton sauce, mon sauce. Même si c'est plus gentil, le plus cool de tes potes. En fait, on se rachète quand on est dans la merde. En crède, on triche avec la vie. Vas-y, crie à l'aide. Car tout ce qu'on gagne, on perd. Ça pue la traîtrise. Jusqu'au palais de justice, ça jouit de perquise. On perquise, on perd, on tease. Les perdises. Alors, fils, faut accepter la vie comme une friandise. Bis, bis, ceux qui font la bise méritent qu'un check. Mec, c'est Redman, tu pas un Rayman, j'rappe sec. Wam, nique, nique ta vieille si tu crois. Crois que le crime paie. J'viens pas de LA, de Barbès tu pédais. Paris dans la capitale, les choses sont corps. Jusqu'à là sont des sens si tu crois être le boss. Sortez les calages, les M16. C'est le temps des traites, direct sa raquette. Fini la fête, on est sur une autre planète. Qu'est-ce qui se passe? Y'a un truc de bizarre dans l'atmosphère. Y'a plus rien à faire, les jeunes sortent tous le fer. Les choses se corsent, boum. Ça pète comme en Corse. Les balles traversent, brisent les pare-brises. Les belles gosses se rebellent. Fais gaffe à ton froc, à ton sauce. Même si c'est plus gentil, le plus cool de tes potes. Les choses se corsent. Coupe, coupe, cross, boum, boum. Ça pète comme en Corse. Fais gaffe à ton froc, à ton sauce, mon sauce. Même si c'est plus gentil, le plus cool de tes potes. Que faire? Le réveil te rend vert. Sous un réverbère, coup de slash ou de revolver. Hey, tu vois la carotte, ça devient pire qu'à LA. Par autre, avec dans le fut le calibre chargé. T-Max, casque intégral pour les plus classes. Un contrat, une terrasse qui s'envoie à la coupe famas. Dégage, ce que je te raconte, c'est des sales histoires. Des coupés qui rentreraient dans un tiroir. Marre de dire que tous les jours on est en deuil. Marre de dire que tout le monde jette l'œil. On a la gâchette facile, perché dans notre matrix. Pour un kill, on se fourre. Sur l'ultime Hendrix. Nique ta vieille sous croix que le crime paie. Nique ta vieille sous croix que le crime paie. Nique ta vieille sous croix que le crime paie. Ça vient pas de LA. Les barbes stupides. Les choses se corsent, boum. Ça pète comme en Corse. Les balles traversent, brisent, les pare-brises. Les belles gosses se rebellent. Fais gaffe à ton froc, à ton sauce. Même si c'est plus gentil, le plus cool de tes potes. Les choses se corsent. Coupe, coupe, cross, boum, boum. Ça pète comme en Corse. Fais gaffe à ton froc, à ton sauce, mon sauce. Même si c'est plus gentil, le plus cool de tes potes.